La cité se dessine, des friches et des fantômes d'usines. Les chariots rouillent sur les parkings. Tu distingues, t'en es plus très sûr. Et dans le centre commercial, tu marches sous un vent glacial. Près du canal, un balbuza se protège sous le blizzard. De l'Espagne jusqu'en Bohême, c'était l'hiver qui s'installait. Des loups descendaient dans les plaines, à jamais le ciel se voilait. Et de Belfast jusqu'à Athènes, l'équilibre s'était rompu. Des corbeaux revenaient dans les plaines, des chats erraient dans les rues. Avait commencé en mai, l'année où l'Europe se votait. Mais des nuées d'hirondelles en formation criblaient le ciel. Et dans les années qui succédèrent, les transhumants changèrent de sens. Et les troupeaux redescendaient en traversant les lacs gelés. De l'Espagne jusqu'en Bohême, c'était l'hiver qui s'installait. Des loups descendaient dans les plaines, à jamais le ciel se voilait. Et de Belfast jusqu'à Athènes, l'équilibre s'était rompu. Le vent inondait la plaine, les chariots erraient dans les rues. Le café des deux tropiques, un savant ouvre son portable et trace la courbe et le point critique de la nouvelle donne climatique. Un businessman reconverti te dit mais mon bon ami, enfin il n'est jamais trop tard pour placer ses pétrodollars. De l'Espagne jusqu'en Bohême, c'était l'hiver qui s'installait. Des loups descendaient dans la plaine, à jamais le ciel se voilait. Et de Belfast jusqu'à Athènes, l'équilibre s'était rompu. La neige recouvrait la plaine, les chats erraient dans les rues. Sois bien sûr que si la haine pousse un jour les loups dans la plaine, si le ciel d'Europe brunissait, les chefs de meute seront remplacés.